C'était à propos d'un antique moulin, muet depuis le Moyen-Âge, qu'un meunier avait acheté, mais dont, après essai loyal, il refusait de payer le prix, sous prétexte que son écluse étant assez glétée alors que les torrents tarissent et son canal gelé l'hiver, il n'y avait aucune saison assez d'eau pour faire tourner la roue. Or, un moulin qui ne moue pas, peut-il s'appeler un moulin? Une préalable expertise établissait déjà que le moulin ne recevait pas d'eau en temps de canicule. Il s'agissait de se rendre compte si en temps de bise, il la recevait davantage. Ce fut bientôt vu. Tout au moulin était solidifié par le froid. Un âne, quand nous arrivâmes, un âne suivi d'un gamin, trottait gaiement sur le canal, devenu plus praticable que la route. Et la roue, avec ses godets, disparaissait sous un rideau de cristalline stalactite. Si on allait déjeuner, opina le juge. Allons, approuva le greffier. Et t'as averti à l'auberge, le piéton, le facteur rural, dès hier soir, a dû laisser un mot de moi. Et nous voilà, grimpant vers l'auberge, où truites et becs fins attendaient. L'aubergiste était sur la porte, l'ardoir au poing, tablier blanc au ventre, ainsi qu'il sied à un aubergiste, même de village, quand il accueille des clients de choix. À son aspect, le greffier pâlit.